Quand arrive un problème électrique, on est désemparé. On cherche la solution. Alors ne cherchez plus. Il y a les électriciens du Nord incorporés du 1025 de la première rue à l'Ascension. Notre spécialité, les installations résidentielles, commerciales et industrielles. Une équipe d'expérience qui est disponible pour vous avec 30 ans de présence dans le milieu. Vous le savez, on ne joue pas avec l'électricité. Confie le travail à des pros. Les électriciens du Nord incorporés de l'Ascension au 347-5103 où on fait la vente d'équipements neufs et usagés. Les électriciens du Nord incorporés qui soulignent le mois de l'arbre et de la forêt. La société sylvicole du secteur de Mistassini œuvre dans le domaine de l'aménagement de la forêt et le reboisement forestier. Notre société emploie plus d'une centaine de personnes dans la région. La société sylvicole est située au 245 Dequin, secteur Mistassini, au numéro de téléphone 418-276-8080 et est très heureuse de souligner le mois de l'arbre et de la forêt. Les chroniques du club de golf de Chibougamau. On a commencé celle de Saint-Prime. Dolbeau s'est commencé aussi. On va parler avec Chibougamau parce qu'il y a toujours un petit peu de retard. On parle avec le directeur général du club de golf de Chibougamau, Michel Lallemand. Salut Michel. Salut, Michel, avant de commencer à parler de ce qui s'en vient, on va parler de l'an passé parce que j'étais pas en onde au moment où ce que ça... Où est-ce que ça a commencé, où ça a eu lieu? C'était l'Assemblée générale du club de golf de Chibougamau. D'habitude, c'était à fin mars, c'est ça? Oui, donc on a eu quand même une bonne participation. Chez nous, ça a toujours lieu au mois de mars, parce que notre année financière se termine au 31 décembre. Fait que donc, dans les grandes lignes, l'ensemble de notre conseil d'administration a demandé un nouveau mandat et a été reconduit. Donc, on demande le même président qui est M. Christian Desjardins pour une deuxième saison. Okay. Dans le point majeur, c'est toujours les états financiers. Fait que chez nous, après amortissement, on devrait avoir on a eu un très léger déficit. Okay. Qui est dû principalement à notre saison de golf. Okay. La mauvaise température là, de juillet et août, pareil comme tous les autres clubs de la province, a affecté les rendements financiers. Mais chez nous, c'est à moindre effet. Donc, on termine avec un léger déficit là, après amortissement inférieur à 10 000 $, ce qui est quand même une très bonne année. On était très satisfaits. Puis, cette année, on mise là, sur le retour de nos membres, consolidation de notre développement de golf au niveau des jeunes, et une plus grande pratique chez l'ensemble de nos membres. OK. Donc, évidemment, ça va y aller avec la température. Vous êtes tellement tributé à la température, les clubs de golf. Cependant, je lisais ce matin dans le journal qu'on prévoit un bel été. C'est sûr que ça devrait vous aider là-dessus. Là. Ah, c'est évident. L'année dernière, là, ça a été une des pires saisons au niveau température. Puis ça se reflète facilement, même au niveau des membres. Quand les soirées ils sont à 12 ou 14 degrés, les gens ont pas mal moins le goût de venir jouer au golf. Okay. Quand les membres jouent moins, c'est sûr que les visiteurs ne jouent pas du tout. Et donc, ça a des conséquences administratives très négatives. Faut dire qu'il y a un léger déficit comparativement aux autres clubs. C'est que vous autres, vous avez une salle. Hein, Puis c'est la seule salle à Chibougamau, puis c'est située en plein centre-ville, semble-t-il. Donc ça aide pour le club. Chez nous, il y a deux salles de réception. Okay. Une qui est située dans un hôtel à l'entrée de la ville et la nôtre qui est ici au centre-ville. Donc, notre salle fonctionne sur une base annuelle. Donc, on a des revenus de location de salle, des revenus de bar avec de bons revenus. Et aussi, dans notre grande bâtisse, on a des locataires annuels. Ouais. Donc, on a une compagnie minière qui est la compagnie Stornoway, qui ont des bureaux administratifs. On a le club de l'Outdoor et le club des Chevaliers de Colombe qui nous rapportent des revenus annuels. Ça nous permet de diversifier beaucoup nos sources de revenus. C'est pour ça que les conséquences directes sur le golf sont moins catastrophiques qu'un club qui n'a uniquement qu'une saison de golf comme telle Exemple, comme Adelbeau. Mais quoi, Saint-Prime, hier, je ne sais pas si tu as vu les nouvelles, on a annoncé des très, très belles nouvelles à Saint-Prime. On a 14 terrains sur 18 de vendus au moment où on se parle, puis ça, c'est magnifique. Parle-moi maintenant de l'année. Est-ce que les... Bon, c'est sûr que c'est pas comparativement ici. Vous commencez toujours plus en retard, une semaine ou deux en retard comparativement ici. Mais est-ce que la mauvaise température du mois d'avril, où c'est, il y a tellement eu de neige ici que ça a commencé en retard un peu, est-ce que ça a apparu sur le club à Chibougamau aussi? Oui, ça a apparu aussi. Okay. On a eu un peu moins de neige, mais on a eu beaucoup de froid. Puis ça l'a retardé de beaucoup le début de la saison. Okay. On a ouvert chez nous une semaine après les clubs au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mmh. Donc, on a ouvert le mercredi 18 de mai. Donc, ça fait seulement une semaine qu'on est en activité. Mais les conditions sont quand même très respectables. Les allées, l'ensemble du terrain, c'est très bien. Les verts ont souffert un petit peu de l'hiver. Ouais. Surtout la dernière semaine. Parce que quand on les a ouverts la première fois, ça semblait dans des conditions excellentes. Puis quand on a débuté là, le 18 de mai, on s'aperçoit qu'on a eu probablement un petit peu de moisissure d'hiver. Donc on est après les travailler. Puis d'ici 15 jours, là, tout devrait être revenu dans l'ordre pour nous donner encore une fois d'excellentes conditions pour l'été. Okay. Si on parlait maintenant des tournois, il va-t-il y avoir beaucoup de tournois cette année? C'est pas mal les mêmes tournois qui reviennent, le tournoi du club, et ainsi de suite, tournoi invitation. La Coupe des champions, ouais. les tournois réguliers, on débute cette année le 4 de juin avec un tournoi d'ouverture pour les membres. Okay. Et le 11, on fait en collaboration avec la Chambre de commerce un tournoi d'ouverture pour les membres et les non-membres. Okay. Et après ça, la saison a débuté. Pratiquement des activités comme partout ailleurs, toutes les fins de semaine. Puis il y en a pour tous les goûts. Mm. Des tournois de participation, des tournois plus compétitifs avec la Coupe des champions, championnat de club, et des tournois sociaux, dont les tournois amérindiens, s'entraide et... des choses comme ça. Effectivement. Belle synergie entre les clubs aussi de Dolbeau, de Saint-Prime, de Chibougamau et Latuc aussi. Oui, mais dans le fond, on a sensiblement la même problématique. Ouais. On est un petit peu à la merci des gros clubs au Saguenay. Puis, on a toujours une bonne collaboration. Dans les tournois régionaux, on est trois clubs qui se visitent beaucoup. Ouais. Fait que donc, à chacun des tournois régionaux, on a beaucoup de nos membres qui vont à Dolbeau et à Saint-Prime, et on reçoit beaucoup de Dolbeau et Saint-Prime. Donc, on veut essayer, possiblement cette année, d'accentuer notre collaboration. Déjà, avec Saint-Prime, on a signé une entente qui permet à chacun de nos membres des deux clubs d'aller jouer deux parties gratuitement sur le club de l'autre. Et au mois d'août, on va recevoir une délégation de Saint-Prime pour une journée amicale de golf. Et l'année prochaine, ce seront nous, des gens de Chibougamau, qui se rendront à Saint-Prime pour leur rendre la politesse. Okay. Bon, pour Pierre-Alexandre Bédard, encore une fois, cette année, je pense qu'il est membre encore du club. Puis, j'y ai pas parlé. J'essaie d'avoir une entrevue avec. Il devait me parler ce matin. Finalement, c'était remis à demain, probablement diffusé la semaine prochaine. Mais, tu vas être le premier à me dire comment ça s'est passé son périple en Floride. Très, très bien. Il va m'en parler très plus bien. En plusieurs détail, bonnes, là, mais. Plusieurs bonnes performances. Okay. Plusieurs belles parties avec beaucoup de joueurs de calibre. Mmh. Donc, ce qu'il m'a dit à sa venue à Chibougamau il y a trois semaines, c'est qu'il était très, très, très satisfait de son périple en Floride. Il a appris beaucoup. Il a vu les faiblesses qu'il a à corriger au cours de la saison estivale. Et donc, il y a plusieurs points à travailler avant d'entreprendre une carrière professionnelle à compter de l'automne 2005. Okay. Ben, ça me fait plaisir de collaborer avec toi. Ça fait longtemps qu'on se parle, mais donc on va se reparler sûrement à toutes les semaines comme on l'a fait l'année passée. Pour nous, c'est un grand plaisir, Danny. On te remercie beaucoup de ton implication. OK. Ben, Michel Lallemand, le directeur du club de golf de Chibougamau.